Bonjour Serena. Bonjour Paulin. On va parler du top cruise accessoire costume. Ouais. Du top accessoire, du top costume, je ne sais pas. Top, top, top. Top, top. Top, top, top. Top, top, top. Top, top, top. Top, top, top. Top. C'est les top cruise. Alors Serena, qu'est-ce que c'est ce top cruise du costume, de l'accessoire, de l'effet, on va dire, je ne sais pas. Alors, disons que j'ai fait un top 3. Ouais. De comment dire, c'est un mélange entre oui, costume, les trucs que tu dis waouh, trop beau. OK. Trop beau, ah, okay. Ou trop impressionnant. Croustillant. Je sais pas, il y a un truc c'est vraiment le top cruise mystère là, celui-là. Mystère. Là, vraiment. On va commencer. Filer, hein. On va commencer avec un numéro 3. Ouais. Qui est quand même les petits gants de Minority Report. Ah, les trucs qui font oui, que tout le monde a essayé de copier. Oui, en fait, il a pas tous les doigts. Je crois qu'il a que trois doigts, ouais. Qui brillent. Je me rappelle quand je l'avais vu au cinéma, ça faisait les trucs des ouf. Mais c'était clair. Les trucs trop chelous. Ah oui, ou en plus tu fais comme maintenant, tu fais sur les téléphones oui, très facilement. Touch, enfin, c'était tactile. Touchscreen. Et à l'époque, c'était un peu impressionnant. Ouais, c'est clair. Pas du tout classe en réalité, mais non. Quand même. Je sais pas, il y a un truc qui m'a plu. Okay. Et mention spéciale dans ces films quand même aussi, à part le total, son look, toujours, il est toujours habillé en noir. Mm. Bon, ça, c'est, ça lui va très bien. Mais les suites à capuche qu'il a quand il va acheter de la drogue dans oui, ses films, vrai. Il lui va trop bien. Et on le voit jamais un capuché. Ah, ça, c'est dommage, ça. C'est dommage. Bien. Mais, ça lui va bien. Dans Ghost Protocol, il a un moment capuche, je crois. Ouais, mais c'est trop stylé. Ah, je vois là. Là, c'est vraiment les suites à capuche un peu crade que je pourrais avoir, moi. Ben, que tu as, d'ailleurs. que tu as en ce moment même. Ouais, voilà. OK, on est sur... OK, donc faites attention, les suites à capuche, crade. Sinon, c'est pas terrible. C'est trop pas à la mode. Nul. Au numéro 2... Et je dois dire que j'aime beaucoup les costumes de Far and Away. Far and Away. Horizon lointain. Gilet, la petite chemise avec les cols coréens un peu. Ouais, ouais. Ça lui va trop bien. Et la petite casquette. Et la casquette. Bon, je ne suis pas méga fan de la casquette. Mais le petit look irlandais, ça te... Pareil, ça fait un peu les jeunes un peu... Pauvre, mais en même temps, okay. Tu vois, les gilets, quand même, c'est un look. Ok. Bon, dans ces films-là, je le trouve beau. Je le trouve beau. Ah, voilà. C'est fou, ça. C'est ouf. Et number one, qui est vraiment de top costume forever, c'est l'armure de Legend à capsule de bière. C'est clair. C'est Et vrai que ça. Imbattable. Ouais, elle est belle. Et après, tu t'es dit, elle brille. On est dans un monde plein de paillettes. Lui, il a une armure que tu dirais, c'est la. Une espèce de maille un peu. Ouais, tu dis, mais elle est magnifique. C'est ça le doit meilleur. Être de l'or. Ouais, ça doit être un or, un platino. Ouais, platin. Enfin, un platine. Bon, je sais pas. Et non, c'est des capsules de bière. C'est vrai. J'adore. Que c'est pas mal, ça. J'adore. La classe. Bravo, voilà. Hollywood. Bravo, Hollywood. Eh bien, merci, Serena. Eh bien, merci, Paulin. À demain. À demain, des bisous.